France Culture. Une mémoire radiophonique. Dans tous ses films, et dans Orphée en particulier, Jean Cocteau nous prouve inlassablement que pour savoir faire du cinéma, il nous faut retrouver Méliès et que, pour ça, pas mal d'années-lumière sont encore nécessaires. Dixit Jean-Luc Godard, dont le cinéma doit peut-être bien quelque chose à celui de Cocteau. C'est en amateur amoureux que Jean Cocteau a fait du cinéma, du cinématographe plutôt, comme il préférait dire, dont il a signé quelques-uns des plus beaux films de son histoire. Si en professionnel du cinéma, Claude Pinoteau, réalisateur de La Gifle et de La Boum, a fait un cinéma aux antipodes de celui de Cocteau, ayant été son premier assistant sur Orphée et sur Les Parents Terribles, plus tard son conseiller technique sur Le Testament d'Orphée, il était l'une des voix les plus autorisées à témoigner de qui était le cinéaste Cocteau au travail. En 1985, justement, Claude Pinoteau remontait le temps pour transporter les auditeurs des mardis du cinéma sur les plateaux des films de Cocteau, livrant avec beaucoup de précision et de finesse ses souvenirs admiratifs de ces moments de cinéma. Mardi du cinéma, Jean Cocteau, le rêve partagé, où l'on retrouvait la voix du poète, ses écrits sur le cinéma et, dans les bandes-sons d'Orphée et du Testament, les voix de Maria Cazares, Jean Marais, François Perrier, une émission de Laurence Drumont, diffusée la première fois, le 17 septembre 1985, sur France Culture. Jean Cocteau, le rêve partagé. Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Mon film n'est pas autre chose qu'une séance de striptease consistant à ôter peu à peu mon corps et à montrer mon âme toute nue. Car il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai, qui sera un jour le signe de notre époque. Voici le legs d'un poète aux jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu. Le Testament d'Orphée se présente 30 ans après comme un remake du Sang d'un poète, le même essai revu et corrigé sur la création poétique. François Truffaut. La rencontre avec moi-même. Je rencontre le personnage qu'on a fabriqué de moi, et ce personnage me regarde seulement quand je tourne le dos. Je m'en plains à mon fils adoptif, et celui-ci se moque un peu de moi. Ses gestes. Vous avez assez crié partout que si vous le rencontriez, vous ne voudriez même pas lui serrer la main. Le poète, il me hait. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive ? N'essaye pas de me dire que tu ne l'as pas vu. Je l'ai vu comme je vous vois. Il a fait semblant de ne pas me voir. Vous avez assez crié partout que si vous le rencontriez, vous ne voudriez même pas lui serrer la main. Il me hait. Il n'a aucune raison de vous aimer. On l'a suffisamment insulté, rossé à votre place. Je le tuerai. Je ne vous le conseille pas. Vous avez beau être immortel, si vous le tuez, vous ne trouverez personne d'assez bête pour se faire tuer à votre place. D'où venait-il ? Où allait-il ? Voilà les questions qui recommencent. Il est probable qu'il va d'où vous venez. et que vous allez d'où il vient. Vous passez votre temps à vous efforcer d'être. C'est ce qui vous empêche de vivre. Allez, hop, et Dieu n'aime pas attendre. Encore une fois, quand il disait qu'il voulait être autre, il a été autre. Il a apporté au cinéma cet univers étrange, ce monde du coma d'entre la vie et la mort, qui était son interprétation poétique. Il a amené sa mythologie. Enfin, c'était tout à fait personnel. Prenez le chemin habituel. La radio. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Deux fois. Je répète, un seul verre d'eau éclaire le monde. Écoute, les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Trois fois. 38. 39. 40. Deux fois. Je répète, 38, 39, 40, deux fois, attention, écoute, l'oiseau chante avec ses doigts, une fois, je répète, l'oiseau chante avec ses doigts, une fois, attention, écoute. Jean Cocteau. Quand j'ai fait mon premier film, Le sang d'un poète, je n'ai jamais pensé que je faisais un film. J'étais convaincu que je faisais un poème. On m'a souvent dit, pourquoi admirez-vous tant de Chaplin, puisqu'il n'y a pas de souci plastique dans ses films et qu'il y en a dans les vôtres. Or, dans mes films, il n'y a aucun souci plastique. La plastique de Chaplin est une plastique émotive. Et il se trouve que mon émotion à moi s'exprime sous une forme plastique. Mais je n'en sais rien. C'est comme si on reprochait à quelqu'un d'être blond, d'être brun, d'être grand, d'être petit. Voudrais-je vous raconter ce film que je ne le pourrais pas? On a dit, même pour me féliciter, qu'il manquait de technique. C'est inexact. Il n'y a pas de technique du film. Il y a la technique que chacun se trouve. On se noie ou l'on nage. On invente par force son style de nageur. Je n'avais jamais touché au cinématographe. J'étais admirablement entourée et secondée. Et je ne reproche à aucun de mes collaborateurs de m'avoir laissée en plein. C'est moi qui exigeais de rester seule afin de découvrir une méthode qui me fut propre. Je me contentais de dire à Périnal « Périnal, il me faut un éclairage crapuleux. » Ou « Périnal, il me faut un éclairage funeste. » Il ne répondait pas. Il hochait la tête et j'obtenais ce que j'avais voulu. Jean Cocteau, postface du scénario du sang d'un poète. Mais alors vous-même, vous avez été après son conseiller technique, déjà sur Orphée ou Non, simplement... sur Orphée, j'étais premier assistant. Claude Pinoteau. Il est certain que ma grammaire cinématographique s'adaptait assez mal à... faute de syntaxe volontaire de Jean Cocteau, et très souvent quand j'observais que là un raccord se faisait mal ou se ferait mal et qu'une direction de regard n'était pas bonne, Cocteau me disait, bon mais tant mieux, c'est comme ça que je veux que ce soit tout à fait autre chose que la grammaire habituelle. Ouais. Donc si au début du film j'essayais de faire respecter une certaine grammaire, à la fin au contraire je m'effaçais derrière le maître bien entendu et je surveillais seulement par mon métier que le minimum soit montable. Nous poursuivons notre série consacrée au cinéma dans le monde, dont le programme a été composé et nous est présenté par M. Roger Régent. Bien que la réalisation de son nouveau film « Le Testament d'Orphée » occupe actuellement tout son temps, Jean Cocteau a bien voulu écrire et enregistrer le texte que vous allez entendre. La position que l'auteur des Parents terribles occupe dans le cinéma français est tout à fait particulière. Il ne fait pas des films selon les règles établies, il n'observe pas les lois de ce métier qui, plus qu'aucun autre, en comporte et les plus sévères. Il travaille en poète, libre de son inspiration, de ses moyens d'expression, de son style. C'est là évidemment une manière inhabituelle de faire du cinéma. C'est pour cette raison que les films de Jean Cocteau ne ressemblent à aucun autre. Depuis ses jours de 1931 où il débuta au studio en tournant Le sang d'un poète, film qui était destiné à quelques-uns et que, en fin de compte, des millions et des millions de spectateurs ont vu, Jean Cocteau a fait de nombreuses infidélités au théâtre, à la littérature, au dessin, à la décoration, pour explorer les mystères de la photogénie. Nous n'allons point rappeler ici le détail de son œuvre cinématographique que tout le monde connaît, disons simplement qu'il est particulièrement important d'avoir le témoignage de celui qui avait gardé depuis 10 ans exactement un silence cinématographique complet. Orphée, en effet, fut tourné entre septembre et novembre 1949. Or, Jean Cocteau a choisi précisément cette année 1959 pour revenir à ce moyen d'expression qui est la poésie même de notre siècle. Maintenant, écoutez Jean Loiseleur, un nom que Jean Cocteau aime porter et qui lui convient à merveille. N'importe quel jeune aviateur peut actuellement exécuter les acrobaties que j'exécutais jadis avec Garros, dont seuls Garros et Pégou étaient capables. N'importe quel jeune pianiste peut faire les traits que seul savait faire Liszt et Chopin. Il en va de même pour les progrès techniques du cinématographe. Lorsque je tournais Le sang d'un poète il y a 30 ans, je ne savais rien du métier. Personne au monde n'aurait pu m'apprendre ce que j'ignorais. Il m'a fallu inventer à mon usage une technique, trouver avec 1000 difficultés ce qui ensuite allait devenir d'une simplicité enfantine. Les trouvailles du sang d'un poète ressemblaient aux mots d'enfants qui ont une si grande force de poésie. Je ne savais rien. Je découvrais le métier coûte que coûte et croyais l'employer comme on l'exerce d'habitude. C'est ainsi que de nombreuses erreurs passent pour des trouvailles. Charlie Chaplin estime que le personnage qui bouge en plan américain et dont le mouvement recommence en gros plan au lieu de finir est une trouvaille, alors que je montais mal et que je me trompais. Pareillement pour le travelling du poète qui a traversé le miroir. Toute l'Amérique s'est demandé comment ce travelling n'avait pas la rigidité du rail. Je ne savais pas que les rails existassent et le poète était tiré sur une planche à roulettes. Ce que j'ai repris ensuite, volontairement, dans La Belle et la Bête, lorsque Belle longe le couloir où les rideaux volent. Faute et hasard nous rendent souvent des services. Je voulais remplacer, et là je cite un mot de Clouzot qui est très important, justement il le disait à propos d'Orphée, je voulais remplacer ce qu'on appelle la technique par l'imagination. Clouzot va plus loin, il dit il n'y a pas de technique dans un film, il n'y a que de l'imagination. Et là nous avons une très grande aide dans le personnel du cinématographe, parce que j'estime que les ouvriers, les techniciens cinématographes ont une sorte de génie, dans le sens où Stendhal emploie le terme, et ils travaillent tous avec nous dans ce sens. On leur dit, faites quelque chose d'impossible, ils le font, et ils le font comme il y a carence du matériel, avec leur imagination, et non pas avec des moyens techniques. Ce qui fait qu'un film de chez nous, si on a la chance de le réussir, enfin dans le sens où on a voulu le faire, est en somme l'œuvre d'une quantité de mains, et d'une quantité d'esprit, d'une quantité de cœur, qui n'en forme qu'un. Ils forment le cœur, et les mains et l'esprit du chef. Salut. Salut. Allons, allons, ces gestes, habituez-vous à me suivre. Voulez-vous fermer vos portes? Quelle porte? Le miroir. Vous ne comprenez jamais ce qu'on vous dit. Le miroir et la trappe. Tout va bien? C'est selon. Qu'est-ce que vous entendez par là? Rien, madame. Tant mieux. Je me déplaise souverainement qu'on se révolte. Orphée est au garage? Oui, madame. Eh bien, ces gestes. Pourquoi faites-vous cette figure? Vous vous attendiez sans doute à me voir travailler avec un suaire et une faux. Mais mon garçon, si j'apparaissais au vivant tel qu'il me représente, il me reconnaîtrait. Cela ne faciliterait pas notre tâche. Hurtebise vous aidera, vous n'en sortirez jamais. Je fermerai moi-même ces rideaux puisqu'aucun de vous n'y songe. Ne laissez sur la table que l'appareil émetteur. C'est juste, envoyez les messages. Allons, allons, secouez-vous un peu. Cela vous réussit mal de ne plus boire. Je n'ai pas de temps à perdre. Le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Une fois, je répète, le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Vos phrases sont des trouvailles tout à fait exquises. Merci. Où sont mes gants? Ils ne sont pas dans le sac. Les auriez-vous oubliés, ce serait le comble. Oui, madame. Excusez-moi. J'en étais sûre. Passez-moi les vôtres. Vite, vite! Vous savez que j'exige une discipline méticuleuse, comme sur un bateau. Ma grande découverte, c'est que le cinématographe est le refuge de l'artisanat. En général, l'artisanat est considéré comme l'aristocratie du milieu ouvrier. On cherche à l'abolir. Sur un plateau de film, l'équipe est artisanale dans le sens le plus strict du terme, surtout en France où le débrouillard trouve encore sa place. L'impossible devient possible grâce au génie de l'ouvrier français qui se pique au jeu et découvre toujours une solution de fortune. La carence du matériel aide ce génie à survivre dans une époque prompte à le faire disparaître. En somme, un plateau de film est le dernier lieu féodal où chacun se met en quatre pour le maître. Le maître ne se présentant pas sous une forme impérialiste, mais sous celle d'un compagnon, comme on le disait à l'époque des cathédrales, qui travaille autant qu'eux. Lorsque je tourne un film, j'arrive le premier, je pars le dernier, et je ne donne jamais le spectacle d'une seconde de lassitude. J'en reviens à cette idée de famille qui n'a rien à voir avec l'idée d'une famille où chacun se disperse, mais de l'idée antique de famille ou de village, liée par un intérêt commun et cette gentillesse que donnent les contacts, gentillesse morte dans la société moderne où les contacts n'existent plus. Oui, Jean ne pouvait pas travailler sans être entouré d'affection. Il avait toujours sur le plateau, il entretenait lui-même une ambiance tout à fait chaleureuse avec l'équipe technique, les électriciens, les machinistes, Madame Janet, enfin tout le monde. Et il y avait un climat permanent de relaxation, d'amitié. Et je crois qu'il y tenait beaucoup et que ça l'aidait énormément. Quand on voit par exemple Orphée ou le Testament d'Orphée, ce sont des textes très ciselés. Enfin, on a l'impression que tout est prévu à l'avance. Et pourtant, sans doute, y avait-il de l'improvisation. Enfin, comment travaillait-il sur le tournage? Il y a eu moins d'improvisation pour Orphée que pour Testament d'Orphée. Le scénario d'Orphée, d'ailleurs, que j'ai là, ainsi que celui du Testament, sont des manuscrits tout à fait bien travaillés et il n'y avait pas vraiment de part à l'improvisation. Bon, il laissait, bien sûr, au tournage, comme il le disait souvent, à un moment donné, le film fait ce qu'il veut. Il faut suivre le film. Et souvent, on dérivait quelque peu pour revenir ensuite dans notre rail parce que tout d'un coup le film nous entraînait dans d'autres voies, ce qui était passionnant. Mais enfin, nous étions tout de même dans un cadre écrit et qui était assez respecté. Pour prendre le cas d'Orphée, le travail de Cocteau consistait à proposer, non pas proposer, mais à demander, pardon, à l'équipe un effet. C'est-à-dire s'il dit Orphée rentre dans la glace et disparaît. Bien. Et il ne se préoccupait pas de savoir comment Orphée entrait dans la glace. C'était à nous de résoudre les problèmes. Alors nous allions avec Nicolas hier à Milly passer des soirées avec des morceaux de glace. On cherchait, bon par exemple, j'avais proposé à Jean Cocteau cette idée de Mercure. de plonger la main dans du mercure. J'avais réussi à trouver 14 kilos de mercure, ce qui était peu, mais pour trouver ces solutions. Et puis, bon, toute la technique était soumise à Jean Cocteau. On devait trouver, on devait résoudre ces problèmes. Mais lui gardait de la hauteur et essayait de ne pas trop rentrer dans le détail de ces techniques. Cependant, par exemple, au moment où on voit Jean Marais péniblement longer le mur des ruines de Saint-Cyr et tout d'un coup est aspiré par un souffle. On a l'impression qu'il s'envole. Oui, c'était un décor à plat. Et ça, naturellement, là aussi, il a dit on va mettre le décor à plat pour que la progression de Jeannot soit pénible et qu'ensuite il y ait une sorte de pente qui ira vers la piscine du plateau qui fera qu'il glissera dans cette pente-là. Donc l'idée était de lui, bien entendu, toutes les idées étaient de lui, mais nous devions, nous, les résoudre. Dormez-vous debout ? Je le crois. Suivez-moi, monsieur. Décidément, vous dormez. Oui. Oui, je dors. C'est très curieux. Enfin, madame, m'expliquerez-vous ? Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C'est le rôle du dormeur. J'ai le droit d'exiger des explications. Vous avez tous les droits, cher monsieur, et je les ai tous. Nous sommes quittes. Madame, arrêtez cette musique. Il y a dans la chambre à côté un mort, et les hommes qui l'ont tué. Je vous le répète, j'exige. Moi, j'exige que vous ne touchiez pas à cette radio. Davantage. Asseyez-vous, restez tranquille, je vous prie. De réfléchir des miroirs. Vous êtes insupportable. Asseyez-vous. Attendez-moi dans cette chambre. Mes domestiques vous apporteront du champagne et des cigarettes. Vous êtes chez vous. Vous cherchez trop à comprendre ce qui se passe, cher monsieur. C'est un grave défaut. Mais madame, on attend chez moi. Laissez votre femme vous attendre. Elle n'en sera que plus heureuse de vous revoir. Oui, madame. Et trouver les moyens, bon, en fait, nous les trouvions à travers Jean. Il y a des choses tout à fait étranges. Il m'a envoyé un jour un repérage pour trouver la maison de la princesse, la maison de la mort. Et j'ai mis 8 jours à chercher, à fouiner. Il m'avait dessiné une sorte de chalet, comme ça, avec des fenêtres crevées, comme des yeux crevés. Et il m'avait tout à fait décrit les lieux tels que je devrais idéalement les trouver. J'avais une moto à cette époque, je sillonnais les environs de Paris et finalement un soir découragé, tout à coup je vois sur une crête des passants le toit qui ressemblait à son dessin. Alors je le regarde, je me disais que si j'abandonnais l'œil, ça allait disparaître. Alors avec ma moto, j'ai commencé à monter dans tout terrain, sur un flanc comme ça de colline. Et au fur et à mesure que le toit apparaissait, que la maison apparaissait, je découvrais son croquis. Et j'étais enchanté, j'ai donc fait plein de photos. Et puis je ramène mes chemises sur lesquelles étaient collées les photos, je lui montre ça, il me dit « Écoute, c'est parfait, où as-tu trouvé ça ?» Je lui dis « J'ai trouvé ça au golfe de la Boulie. » « Ah mais c'est tout à fait étonnant, parce que moi j'ai dessiné le golfe de la Boulie où je venais quand j'étais enfant, avec ma mère, et j'étais dessiné le golfe de la Boulie. Mais comme les Allemands l'avaient occupé, ils l'avaient détruit avant de partir, alors il ressemblait exactement à ce que je désirais, c'est-à-dire les fenêtres crevées, le toit percé, etc. etc. » Donc il y avait une sorte de prescience de Cocteau. Bon, je ne sais pas comment interpréter ça, moi qui suis plutôt cartésien, et c'est ce qui faisait rire Cocteau d'ailleurs, parce que j'étais très logique, je cherchais toujours une explication là où il ne fallait pas en chercher. Bon, j'ai constaté très souvent que, en fait, si nous trouvions les choses, c'était quand même à travers lui. Première nuit, la mort d'Orphée vint dans sa chambre, le voir dormir. puisque j'ai parlé du rêve, il est important aussi de dire que le travail d'un film tel que je l'entends, qui commence dès l'aube et se prolonge dans la nuit, qui ne laisse jamais une minute libre, puisque même en déjeunant avec son équipe, on parle de ce travail, dis-je, est si compact et vous enfonce si loin du monde et de ses habitudes qu'il ressemble au rêve, en ce sens que seuls comptent les gens et les actes du rêve, et qu'on en arrive à ne plus voir ni entendre ce qui se passe au dehors. Comme un dormeur est trop occupé par la vie du rêve pour s'apercevoir que la vie réelle entre dans sa chambre sous forme de journaux, de lettres, d'amis. J'ai souvent observé que le travail du cinématographe ressemble au rêve. Le travail de nuit ne fait qu'augmenter cette illusion, ne compte plus que les personnes du rêve, depuis le metteur en scène, jusqu'au moindre machiniste. Les autres, on ne les constate pas plus que les personnes qui circulent dans la chambre d'un dormeur. Travail terrible qui nous écarte du réel et de nos amis, hélas, qui nous hypnotise et nous calfeutre et nous laisse désemparer le dimanche comme un dormeur réveillé en sursaut. Où suis-je? J'étais au lit. Je dormais. Et vous êtes au lit, professeur? Vous dormez. Seulement, vous ne nous rêvez pas. Vous occupez un de ces replis du temps dont vous avez fait votre étude. Étude qui honore votre intelligence. Mais que notre oreille n'approuve guère. Vous allez vous réveiller. Et vous vous souviendrez de nous comme si nous étions des personnages de votre rêve. Le réveil de ce rêve est extrêmement pénible. Et toutes les équipes connaissent le malaise des dernières minutes d'un film où ceux qui vivaient ensemble se dispersent à droite et à gauche. C'est sans doute le souvenir de ce rêve qui nous reprend dans la solitude et nous pousse de nouveau vers l'étrange tohu-bohu dont il semble que tout notre être le repousse. C'est l'inverse de la fatigue. L'homme fatigué veut dormir et rêver. L'homme qui se repose retourne à ce rêve actif du cinématographe. Ces gestes, levez-vous. Salut. Salut. Vous savez qui je suis? Je le sais. Dites-le. Ma mort. Bon. Vous êtes désormais à mon service. Je suis à votre service. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai à vos ordres. C'est parfait. Alors, en route. Envoyez ma robe. Ne craignez rien, ne me lâchez pas. C'est vrai que quand la mort dans Orphée fait se lever ses gestes et puis après fait se lever Eurydice, c'est complètement magique. C'est simplement la pellicule qui est à l'envers. Oui, mais... c'est ça. C'était qu'on a retourné les caméras. Et à ce moment-là, on n'avait pas de caméra qui tournait à l'envers. Claude Pinoteau. Enfin, on avait pris le caméflex qu'on avait retourné lui-même sur sa... on lui a mis la tête en bas. Et évidemment, on avait le défaut d'avoir la bande sonore ensuite, puisque la caméra était retournée, qui apparaissait sur l'écran. Il fallait donc faire un recadrage à la Truca. On a souvent fait ça. Aussi bien, d'ailleurs, la disparition, les apparitions étaient faites également à la manivelle. Et ça aussi, c'était une gymnastique tout à fait facile, puisque ça, on en revenait un peu à des premiers trucages du cinéma. Je dirais pas à Méliès, mais enfin, c'était tout à fait des trucages assez anciens. Dans Orphée, le son qui accompagne les entrées et les sorties du miroir est un diapason sans le choc. Du merveilleux au cinématographe. On parle beaucoup du merveilleux. Encore faudrait-il s'entendre et savoir ce qu'il est. S'il me fallait le définir, je dirais que c'est ce qui nous éloigne des limites dans lesquelles il nous faut vivre et, comme une fatigue qui s'étire extérieurement à notre lit de naissance et de mort. Il y a une erreur qui consiste à croire que le cinématographe est un art propre à mettre en œuvre cette faculté de l'âme. L'erreur provient d'une hâte à confondre le merveilleux et la prestidigitation. ce n'est pas grande merveille que de sortir une colombe d'un chapeau. La preuve en est que cette sorte de tour s'achète, s'enseigne et que ces miracles d'un sou suivent des modes. Donc d'un côté, il y avait un grand recours au trucage et en même temps, il se défend souvent de l'idée selon laquelle le cinéma est magique parce que prestidigitation. En fait, la féerie vient d'autre chose, de choses imprévues d'après lui. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et il se défendait d'ailleurs de ce terme de prestidigitateur. Bon, ça, quelquefois ça l'irritait. C'est vrai que son écriture était ailleurs, elle n'était pas dans l'art du subterfuge ou du trucage. Le trucage aidait, et quelquefois il était d'ailleurs tout à fait déroutant, parce que par exemple nous avions à un moment donné une scène où Jean Marais était devant un tribunal formé de trois messieurs habillés de noir, et on le voyait ensuite se retourner et entrer dans la glace qui était en arrière-plan. Et en fait, comme il fallait qu'il rentre dans cette glace, nous avons fait deux décors jumeaux, comme si la glace était une porte entre les deux décors. Et nous avions mis les vrais juges dans le reflet, c'est-à-dire dans le deuxième décor, et nous avions mis des doubles de dos, habillés en noir, de dos, dont le reflet était les autres acteurs, qui étaient les vrais acteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très subtil. Alors, c'était tout à fait amusant à faire. D'abord, on descendait la glace, qui était sur un rail coulissant vertical. On descendait la glace dans son cadre. On voyait exactement ce qu'on voyait dans le vrai reflet. Et on relevait la glace et on en allait placer les acteurs exactement dans la même attitude que le reflet, dans la même position, la même distance. On redescendait la glace, on vérifiait, on remontait la glace, jusqu'à ce que le reflet soit fidèle. Chaque nuit, la mort d'Orphée revenait dans la chambre. La base de nos subterfuges est que dans le film, les miroirs n'entrent pas en ligne de compte, mais le vide, c'est-à-dire leur cadre. Nous construisîmes des chambres jumelles, décorées d'objets jumeaux, et si l'on est très attentif, il est facile de s'en apercevoir, puisque toute l'image s'inverse dans le miroir qui n'existe pas, sauf les petits sujets des gravures accrochés à la cloison et d'un buste sur une commode. Là, je ne compte que sur la vitesse du tour de carte. Avez-vous songé qu'il m'était impossible de prendre certaines vues face à des miroirs où se reflèterait l'appareil et l'équipe ? Lorsque Maria Cazares repousse les battants du miroir à trois faces, il est impossible que l'actrice sorte d'une platitude. Elle sort de la seconde chambre. Un double, vêtu comme elle et dos à dos, la quitte en sens inverse et joue le rôle de son reflet. L'amusant, c'est que Cazares change trois fois de robe pendant cette scène, une robe noire, une grise, une blanche, que mes finances ne me permettaient pas de doubler toutes les robes et que le reflet de Cazares emporte une grise tandis qu'elle-même emporte une noire. Nul ne le remarque, et j'insiste sur le fait qu'une fois la prise terminée, la projection me dupait moi-même tant il est exact que la vérité construite par nous est apte à convaincre puisque son spectacle l'approuve. On a oublié des gants chez vous. Des gants ? Mettez-les. Allez, allez, mettez-les. Lorsque Marais avance vers la glace gantée de caoutchouc et lève les mains, l'appareil portatif, caméra éclair, est posé sur l'épaule d'un machiniste qui a une veste et des gants mouillés pareils à ceux de Marais. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. D'abord les mains. Les mains gantées se rejoignent. Je coupe. Et passe sous un autre angle. Auriez-vous peur ? Non, mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire. Puisque vous aimez les détails, en voici plusieurs autres. Le miroir où plongent les mains d'Orphée et d'où elles déplongent nécessitait une cuve de 400 kg de mercure. Or, rien n'est plus difficile à se procurer que le mercure et rien de moins simple à trouver qu'une cuve assez large et assez robuste pour le contenir. En outre, il était dangereux de laisser au studio un tel trésor. Nous dûmes tourner du matin au soir et nous perdûmes beaucoup de temps parce que le mercure était livré dans des bidons qu'il était presque impossible de décapuchonner et que ce mercure coulait sale. Il fallait le nettoyer avec des pots de chamois comme la surface d'une vaisselle d'argenterie. À peine avait-on nettoyé cette surface lourde et molle que des impuretés remontaient et y formaient comme des taches d'huile. Je croyais pouvoir me passer de Jean Marais et mettre les gants sur n'importe lequel des ouvriers de sa taille. À l'épreuve, je me rendis compte que des mains sont comme une personne et qu'il fallait l'interprète. Nous le fîmes venir et nous tournâmes à 6 heures du soir, un plan commencé à 7 heures du matin. Jean Cocteau, entretien autour du cinématographe. Pourquoi le mercure ? Parce que seul le reflet y était visible et non la partie entrée dans le miroir qui eût été visible si j'avais employé de l'eau. Les mains disparaissaient dans le mercure et une manière de frémissement accompagnait le geste, alors que l'eau n'eût formé que des rides et des cercles d'ondes. En outre, le mercure résistait. Tout ça pour dire que ce jeu de trucage n'était finalement pas l'essentiel. Et il était au service d'un effet, mais quand on voit le film, on oublie les trucages, je pense, et on retient surtout ce que Jean Cocteau voulait exprimer sur l'écran. Levez-vous. Vous savez qui je suis? Oui, dites-le. Ma mort. Vous appartenez désormais à l'autre monde. J'appartiens désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres? J'obéirai. C'est parfait. Je suppose, Hurtebise, que vous désirez rester sur Terre. Dans cette trappe, vous avez tout d'un fossoyeur. Vous êtes très ridicule. Je ne suis pas le seul. Je prends bonne note de vos insolences. Ces gestes! Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? Dans ce petit jeu, il y en a qui changent en statue de sel! En route! Ça donnait toujours aux personnages une manière de rêve. Enfin, ils apparaissent, ils disparaissent, ils sont dans l'invisible et on voit ça. Enfin, on voit que l'invisible est là, pas loin. C'est ça, oui. C'est ça qui est très joli. C'est tout à fait étrange. C'est qu'en effet, quand nous tournions avec une application technique très terre-à-terre, très matérialiste, et qu'on montait le film et puis que nous voyions le film après, il s'exhalait du film, une sorte d'âme tout à fait étrange, qui était vraiment le but du film, qui était le but de Jean Cocteau. Bon, en passant par du bois, par du plâtre, par des mécaniques, par l'acétate de cellulose, on finissait ensuite à voir sur l'écran quelque chose d'immatériel et qui était finalement la volonté de Cocteau. C'est moi qui ai ramené votre mari. D'où venait-il? Je suis le chauffeur de la dame qui l'a fait monter hier dans sa voiture. Il a passé la nuit chez elle? Non, madame. Non, ma patronne transportait un blessé grave. Votre mari se trouvait à l'endroit de l'accident. Il est monté dans la voiture. Seulement, ma patronne n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Et alors? Alors, elle nous a laissés sur la route. Une petite voiture qu'elle conduit elle-même l'attendait près d'un chalet où elle habite. Elle a filé avec le malade. Et mon mari? J'avais un embêtement de contact. J'ai préféré attendre le jour. Votre mari dormait dans la voiture. Il s'inquiétait beaucoup de vous. J'aimerais vous croire. Je vous mentirais peut-être si j'étais un vrai chauffeur, mais je ne le suis pas. Mais qu'est-ce que vous êtes? Un étudiant sans le sou. Je me suis engagé comme chauffeur il y a 15 jours. Mon nom est Hurtebise. Vous me rendez un peu de courage. Mon mari, vous le connaissiez? Oh, qui ne le connaît pas? Mon mari m'adore. Il vient de me faire une scène. C'est une autre personne. Il a bu. Mon nom. utiliser? Oh, le gaz. Quoi, le gaz? Il est ouvert. Méfiez-vous. C'est une odeur que je n'aime pas. Et pour cause. Et pour cause? Je me suis suicidé au gaz. Cette odeur me pourchasse depuis ma mort. Votre mort? Enfin, je veux dire depuis que j'ai failli me suicider. Ah bon? Vous n'avez pas l'air d'un fantôme. J'adorais une jeune fille. Assez moche. Dommage qu'elle ne vous ait pas ressemblé. Votre nom, eh bien, Eurydice. Pour vous servir. Vous avez oublié le vôtre. Euphrastie. Pour vous servir. Septembre 1950, présentation d'Orphée. Allô Paris, ici Simone Dubreuil qui vous parle de Venise. Eh bien, la grande première d'Orphée vient d'avoir lieu. Orphée a remporté un immense succès auprès du public vénitien et Jean Cocteau, Maria Cazares et Marie Déa étaient présents à cette première et je voudrais que Jean Cocteau nous dise l'impression qu'il a ressentie ce soir en face d'un public qui a vu son film sans sous-titres. Justement, j'étais extrêmement ému car je craignais beaucoup un film très difficile dans une salle très élégante et un film sans sous-titres en Italie. Et j'ai été très frappé de voir que tout le monde suivait le film, sentait les passages lyriques et sentait les passages comiques, ne se trompait pas, et à la fin, les applaudissements m'ont été droit au cœur, je l'avoue. Le public commet souvent la faute de croire que les artistes se moquent de lui. C'est impossible. D'abord, parce que l'artiste n'y gagnerait rien. Ensuite, parce que le travail singulièrement éreintant du cinématographe absorbe trop pour qu'on pense. À la pensée se substitue un mécanisme de somnambule. Imaginez-vous le travail d'un film ? On arrive à l'heure de la guillotine. Jusqu'à minuit, on passe de studio en studio. On s'applique à ne pas ruiner l'entreprise pour laquelle on travaille. On ne mange pas. On dort debout. On trébuche. Après 4 jours, à moins d'avoir une charpente américaine très forte, on est sonné. On ne sait plus où l'on est. C'est une des raisons pour lesquelles le cinématographe serait une arme poétique de premier ordre. Dormir debout, c'est parler sans se rendre compte. C'est se confier. Quand Orphée rentrera, cachez-vous derrière la table. Oui. Lettre anonyme, écrite à l'envers. Attention ! Attention, Eurydice, il rentre ! Attention, Orphée. Eurydice, vous êtes sous la table? J'y suis. Où est-il? Où es-tu? Là, là, là, derrière la table. Ah, tout va bien. Méfiez-vous des miroirs. Je ne vous le fais pas dire. Je parlais du reflet de votre femme. Eurydice m'a défendu de me regarder dans les glaces. Faites disparaître cette lettre imbécile. Je peux sortir? Non, non! Une minute, tournez le dos. Vous êtes libre. Mais je voudrais vous poser une question, Jean. Je voudrais vous demander pourquoi vous avez modifié le thème d'Orphée, enfin le thème légendaire, et fait que Orphée, il lui soit interdit de voir Eurydice, même lorsque le trajet du retour des enfers est terminé. Parce que du moment que je changeais tout, que je refaisais tout le mythe, il fallait le refaire dans sa totalité. Et en outre, la scène du retour à la maison est une scène que j'ai faite comique dans le style, je m'excuse de citer des grands exemples, mais de Shakespeare ou de Goethe, qui soit dans toutes leurs tragédies mêle un peu le bouffe. Même dans le Don Juan de Mozart, Leporello est comique dans la grande scène de la tombe du commandeur. Et je voulais justement faire de cette scène une espèce de scène de comédie. Et alors justement, les réactions de la salle l'ont marqué. Oui, justement, il s'est passé une chose très drôle. La première fois qu'on a donné le film à Cannes, les personnes riaient, elles avaient raison de rire, puisque la scène était faite pour que ces personnes rient, et des personnes plus intellectuelles faisaient chut, chut, pour que les autres ne rient pas. Il y avait donc malentendu sur mes intentions. Eh bien maintenant, je vais m'adresser à la mort, enfin plutôt à Maria Cazares. Ah, oui, ce n'est pas la mort. C'est-à-dire, c'est une des servantes de la mort, une des innombrables visages, un des innombrables visages de la mort. Elle est à la mort ce qu'une hôtesse de l'air est à un ange. Oui, c'est aussi loin que ça. Eh bien, Maria Cazares, c'est absolument sensationnel dans le personnage de cette hôtesse de l'air de la mort, si nous allons dire. Eh bien, Maria, je voudrais que vous nous parliez justement des difficultés de cette interprétation. Il y a des moments où vous avez un visage qui est un visage de masque, par exemple, quand vous apparaissez dans le sommeil d'Orphée. Mais le visage de masque, c'est Cocteau qui me l'a fait. D'ailleurs, c'est Cocteau qui a fait tout. Non. Parce que, d'ailleurs, je crois qu'au cinéma, il y a le metteur en scène, quand c'est un metteur en scène, qui est le seul créateur, et l'acteur n'a qu'à être un outil, et à essayer d'être un très bon outil, et si possible, à dépasser ce que le metteur en scène a imaginé. Mais ça, c'est très rare. J'ai l'impression que, justement, Maria est arrivée à coller si bien avec l'imagination de Jean Cocteau qu'elle est arrivée presque à dépasser, enfin, ce qu'il se figurait qu'elle serait. Je ne crois pas. Je crois que c'est le plaisir que j'ai eu à travailler avec Jean Cocteau, c'est que quand on travaille avec lui, il vous donne l'illusion toujours qu'on crée avec lui. Et c'est une merveilleuse impression. Mais les interprètes d'Orphée jouent un rôle essentiel car, à travers eux, nous saisissons la pensée de Jean Cocteau. Justement, Jean Cocteau, je voudrais que vous nous précisiez de quelle manière vous avez choisi ces interprètes. Ben, je les ai surtout choisis d'après leur qualité morale, parce que c'était le principal. Pour moi, l'essentiel était leur regard, ce qui sort d'eux. Et dans Orphée, les artistes jouent le rôle des lettres, des syllabes, des consonnes, des mots, des phrases, des points et virgules d'une poésie. Ils sont le véritable signe, les signes de la signification. C'est ainsi que sans Maria Cazares, le rôle qu'elle joue deviendrait obscur, mais elle a su être parfaitement une des innombrables servantes de la mort, quelque chose d'aussi loin de la mort elle-même et telle qu'on la représente que les hôtesses de l'air, par exemple, peuvent l'être des anges. Et il en va ainsi pour tous les autres acteurs. Il y avait une complicité entre Maria Cazares et Jean Cocteau qui était tout à fait étonnante. Un peu comme s'il y avait un courant qui passait entre eux, comme s'il y avait une complicité secrète. Les regards de Maria et de Jean, quand ils se croisaient dans un échange de propos sur le film, étaient tout à fait étranges, parce qu'on sentait qu'ils se disaient par les yeux des choses bien, bien plus importantes que ce qu'ils se disaient par la bouche. Et il y avait une sorte d'humour permanent entre eux, une sorte de complicité, comme s'ils savaient ce qu'ils faisaient tous les deux, comme s'ils savaient ce que serait la scène. Et c'était tout à fait un plaisir que de les voir travailler ensemble. Tiens. Tiens, quoi? Toutes mes excuses. Je dois être dupe d'une ressemblance extraordinaire. Et que faites-vous ici? C'est moi qui interroge. Nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes. Ce tribunal désirerait savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Voulez-vous donner lecture des deux chefs d'accusation? Primo, vous êtes accusé d'innocence, c'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul, apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction. Secondo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Je plaide coupable. Dans le premier et le second cas, j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commises. Et j'avoue avoir souvent voulu sauter le quatrième mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves. Pourquoi? Sans doute par fatigue du monde que j'habite et par horreur des habitudes. Si je ne me trompe, vous faites de la désobéissance un sacerdoce. Sans elle, que feraient les enfants, les héros, les artistes? Ils ne compteraient que sur leur bonne étoile. Nous ne sommes pas ici pour assister à des joutes oratoires. Posez cette fleur sur la table. D'où tenez-vous cette fleur? Elle m'a été remise par Ségeste. Ségeste? C'est, si je ne m'abuse, le nom d'un temple de Sicile. C'est aussi le nom du jeune poète de mon film Orphée. C'était d'abord celui d'un des anges de mon poème, l'ange Heurtebise. Qu'entendez-vous par film? Un film est une source pétrifiante de la pensée. Un film ressuscite les actes morts. Un film permet de donner l'apparence de la réalité à l'irréel. Et qu'appelez-vous l'irréel? Ce qui déborde nos pauvres limites. Il existerait en somme chez vous des individus pareils à un infirme endormi, sans bras ni jambes, rêvant qu'il gesticule et qu'il court. Vous donnez là une excellente définition du poète. Et qu'entendez-vous par poète? Le poète, en composant des poèmes, eut d'une langue ni vivante ni morte, que peu de personnes parlent, que peu de personnes entendent. Et pourquoi ces personnes parlent-elles cette langue? Pour rencontrer leurs compatriotes dans un monde où trop souvent l'exhibitionnisme qui consiste à montrer son âme toute nue s'exerce chez les aveugles. Vous l'avez dirigé, parce que c'était la première fois qu'il avait un rôle... Non, je ne l'ai pas dirigé, en ce sens qu'il voulait jouer, tout à fait. Enfin, Claude Pinotto. Je ne me suis jamais permis de lui demander de... Bon, je le dirigeais au sens technique. Bon, il faudrait partir d'ici, arriver là, oui. Là où tourner vers la caméra, etc. Bon, j'ai eu des indications purement techniques, mais son expression de visage, de regard, les mouvements qu'il faisait, enfin, son interprétation était totalement... Je ne me serais pas permis de lui demander de modifier. Je me suis permis un peu de lui demander ça les premiers jours, tout à fait amicalement, affectueusement, car je craignais que son regard, un peu exorbité parfois, soit exagéré par rapport à l'objectif. Je veux dire qu'il aurait été sur une scène de théâtre, ça aurait été tout à fait parfait, alors que quand on faisait des gros plans à la caméra, je craignais tout d'un coup que ça prenne une force telle que ça aurait été peut-être de la démesure dans le style du film. Mais il y tenait, il me l'a dit tout de suite, il me dit que c'était tout à fait volontaire, bien entendu, de sa part. Et naturellement, je me suis effacé tout de suite derrière cela. Et quand je me permettais de faire quelques remarques comme ça, naturellement, c'est toujours lui qui avait le dernier mot, bien entendu. On ne vous demande ni d'être humble, ni d'être superbe. On vous demande de répondre lorsqu'on vous interroge un point, c'est tout. N'oubliez pas que vous êtes un amalgame nocturne de cavernes, de forêts, de marécages, de fleuves rouges. Amalgame peuplé par des bêtes gigantesques et fabuleuses qui s'entre-dévorent. Il n'y a pas de quoi faire le mariole. Et lui-même, alors, comment travaillait-il avec ses acteurs? Est-ce qu'il les faisait longuement répéter? Non, parce qu'il avait des acteurs à qui il expliquait d'abord la teneur de la scène, mais il l'expliquait, d'une manière illogique. Si Daniel Gélin ou Nicole Courcel ou François Christophe ou que sais-je lui demandait la raison de cette scène, comme il s'agissait d'une sorte de patchwork, de puzzle, de scènes qui en fait s'enchaînaient, mais tout à fait dans l'ordre de son désordre, c'était difficile de leur expliquer que ce n'était pas une scène, un film avec une histoire qu'on racontait, et qu'ils étaient tel personnage du film, à part peut-être Crémieux, son personnage était tout à fait cohérent et menait le film de bout en bout, ou même Gélin qui était le docteur qui intervenait. Bon. Donc la direction d'acteur, les acteurs étant des gens célèbres et des acteurs chevronnés, Jean les laissait un peu jouer la comédie comme il l'entendait. Et s'il y avait à rectifier le tir au cours de la seconde ou troisième prise, il le faisait avec une grande intelligence, beaucoup d'humour et beaucoup d'affection. Mais les premières prises, il les laissait jouer la comédie comme il l'entendait. Eux s'inspirant bien sûr complètement du personnage, et aussi de l'univers Cocteau. Estimez-vous devoir encore ajouter quelque chose à votre défense? J'ai à dire que si je mérite une peine, je n'en saurais subir de plus pénible que celle qui m'oblige à vivre entre deux eaux, ou pour employer votre propre langage, entre deux règnes. Un cinéaste dirait en fausse teinte, je donnerais n'importe quoi pour fouler de nouveau le vieux plancher des vaches, et ne pas me perdre dans la pénombre d'un drôle d'univers. Ceci n'est point de notre ressort. Le tribunal appréciera. La commission rogatoire vous condamne préventivement à la peine de vivre. Le minimum. Surtout à votre âge. Votre fleur. Stubbies. Et la princesse. Vous savez bien qu'elle avait prétendu, éprise d'un mortel, transgresser les lois du temps des hommes. Et Orphée. Sa survie était un mirage. Sa tête divine est morte et Eurydice remise aux enfers. Une grande voix humaine l'a dit. Il ne faut pas cracher contre le vent. Prenez la fleur. Je n'ose la prendre. Ce n'est ni la première fois ni la dernière que je vous l'enlève, cette fleur, et que je vous la rends. Cette fois, je devine le courage de votre geste et que je risque de vous faire encore condamner, elle et vous. Nous ne pouvons être condamnés à pire. À quoi donc vous avez-on condamné ? À juger les autres. À être des juges. La scène du testament d'Orphée, la scène du tribunal du testament d'Orphée, est issue d'une anecdote assez intéressante, je crois. C'est que, avec ce cartésianisme dont je m'accuse, j'avais fait un minutage. Et le minutage faisait que le film ne faisait pas, à mon sens, la durée qu'il devrait faire. C'était 1h10, 1h15. Et moi, j'avais donc minuté environ 50 minutes. Ouais. Et Jean Cocteau, qui était à ce moment-là en Angleterre, m'avait écrit en disant tu dois te tromper, regarde, prends Le sang d'un poète qui faisait 45 minutes et reminute Le sang d'un poète et tu verras si tu tombes sur 45 minutes. Et j'ai donc minuté Le sang d'un poète, je suis tombé sur les 45 minutes. J'ai dit je crois que mon minutage est à peu près juste. Et alors, il est rentré d'Angleterre, il était en salle de montage, on a monté toute l'image dont il disposait et effectivement nous étions arrivés à 50, 52 minutes peut-être, enfin un peu plus quand même, mais il manquait. Et à ce moment-là, il a rédigé la scène du tribunal du testament d'Orphée, que nous avons donc tournée après coup, au studio de Saint-Maurice, qui était une scène qui n'était pas dans le scénario original, et qui maintenant est une scène totalement indispensable au film, qui est les fondations du film sont sur cette scène. Mmh. Oui, c'est superbe. Oui, c'est amusant comme anecdote, parce que, comme le disait Jean Cocteau, il disait, mais de toute façon, nous devions passer par là, parce que c'était prévu. C'est comme on parlait tout à l'heure de repérage extérieur, il me disait, tel décor, tu vas le trouver, parce que nous tournons dans 15 jours. Donc il existe, il attend que tu le découvres. L'idéal est d'être célèbre, inconnu et découvert. Jean Cocteau, entretien autour du cinématographe. Il est très curieux de penser que si nous obéissions au conseil des critiques, des journalistes et somme toute de nos contemporains, ces contemporains se détourneraient de nous et ne nous accorderaient même pas la petite importance qui les pousse à s'occuper de notre personne. Ils ne nous l'accordent que par la force secrète de ce qu'ils refusent et à quoi ils nous enjoignent incessamment de renoncer. Cette force fait notre présence, qu'ils constatent, mais dont ils sont incapables d'analyser les raisons. Ils pensent que nous sommes là par erreur, par chance, et que, grâce à leurs conseils, cette erreur cesserait et cette chance deviendrait une position solide et légitime, que nous tournerions bien au lieu de tourner mal. Avril 53, Luc Bérimont. Vous écrivez quelque part, je crois que c'est dans Le secret professionnel, que pense la toile sur laquelle on est en train de peindre un chef-d'œuvre ? Elle pense on me salit, on me détériore, on me brûle. Elle ne voit pas l'œuvre qui est en train de s'accomplir à sa surface. Ah, mais bien sûr, parce qu'un artiste est toujours en lutte avec les éléments qui lui servent à créer, en lutte avec l'encre, en lutte avec le pinceau, en lutte avec la toile. Si je disais la vérité vraie, je vous dirais que nous sommes des bagnes. Un artiste est un bagne et les œuvres sont des bagnards qui s'évadent. C'est pourquoi, généralement, on lâche la police et les chiens. Votre domicile. J'habite ici, chez une amie dont je suis l'hôte. Que me racontez-vous ? Il n'y a point d'ici où nous sommes. Nous ne sommes nulle part. Je viens cependant de passer devant des mosaïques et une tapisserie que j'ai faite et qui orne la villa dont je vous parle. Il est possible que vous soyez passé devant cette tapisserie et ces mosaïques. Mais c'est qu'on a voulu mettre cette tapisserie et ces mosaïques sur votre passage. Peu importe où votre crédulité les imagine. Une œuvre doit être un objet difficile à ramasser. Elle doit se défendre contre les attouchements vulgaires, les tripotages qui la ternissent et qui la déforment. Il faut ne pas savoir par quel bout la prendre, ce qui gêne les critiques, les agace, les pousse à l'insulte, mais préserve sa fraîcheur. Moins elle est comprise, moins vite elle ouvre ses pétales et moins vite elle se fane. Une œuvre doit prendre contact, fût-ce par malentendu, et cacher ses richesses qui se livreront peu à peu et à la longue. Une œuvre qui ne garde pas de secret et se donne trop vite risque fort de s'éteindre et de ne laisser d'elle qu'une tige morte. Est-ce que vous voudriez nous donner une définition de la poésie ? Oui, la poésie vient toute seule. Je suis en quelque sorte un ébéniste, je travaille, je fais une table. Ensuite, le public met les mains sur cette table dans la pénombre du cinéma et la table parle si elle le veut, si elle le peut. Mais je ne suis moi qu'un ébéniste. Je voulais vous dire que la poésie vient toute seule. Je n'ai pas à m'occuper de poésie. Un homme qui s'occupe de poésie n'est pas un poète. La poésie doit lui sortir sans qu'il s'en doute. Et ce qu'on appelle souvent film poétique, ce sont des films où on parle un langage poétique. Or, vous verrez que mon langage est très simple, que le film est très simple, et que si on admet que la vie n'est pas toujours aussi simple qu'elle le paraît, le film est la simplicité même. Vous affirmez donc que dans votre film, vous ne prétendez pas communiquer quelque chose de vous-même. Mais si, au contraire, le film est plus qu'une communication de moi-même, il est moi-même. Un poète est toujours, est posthume en quelque sorte. Un poète vit après sa mort, et un poète vivant est toujours un peu mort. Et je compte montrer ce soir un objet qui est plus vivant que moi, puisqu'il est tout jeune. Il est sorti de moi, de mes mains et de ma tête, et il est encore tout jeune. Il vit davantage que moi-même. Il me représente. Il est moi-même. Ce geste. C'est toi qui m'as nommé. J'ai peine à te reconnaître. Tu étais blond. Pour un film. Cette fois, ce n'est plus un film. C'est la vie. Tu étais mort. Comme tout le monde. Pourquoi reviens-tu par la mer? Pourquoi? Toujours pourquoi? Vous cherchez trop à comprendre. C'est un grave défaut. J'ai déjà entendu cette phrase. Vous l'avez écrite. Prenez cette fleur. Mais cette fleur est morte. N'êtes-vous pas expert en phénixologie? Qu'est-ce que cela? C'est la science qui permet de mourir un grand nombre de fois pour renaître. Je n'aime pas cette fleur morte. On ne ressuscite pas toujours ce qu'on aime. En route. Où allons-nous? Ne m'interrogez plus. Jean Loiseleur, ainsi ai-je dans ma jeunesse signé mes dessins et mes textes. C'est Jean Loiseleur qui tourne le testament d'Orphée avec l'espoir d'atteindre en ce triste monde quelques âmes fraternelles. C'est la première fois, après 30 ans de recherche, que je suis arrivé à traiter les actes comme le verbe, à organiser des actes avec la rigueur des mots d'un poème. C'est un travail qui marche à l'encontre du travail habituel, lequel consiste à mettre des paroles sur des actes. C'est en somme une entreprise de mutation, une espèce d'entreprise alchimique. J'ai essayé de transmuter, ou je ne sais pas si on dit transmuer ou transmuter, du verbe en acte. À vous de jouer, docteur. Montrez-nous vos talents. Le moment où il reconstitue l'hibiscus, où là également c'était tourné à l'envers, bien entendu. Là aussi, il avait eu l'idée de cette badinerie de Jean-Sébastien Bach. Et je ne me souviens plus d'ailleurs si. Je ne crois pas qu'on l'ait envoyé en même temps que la scène. Mais enfin, il avait l'idée, déjà, il y pensait déjà. Est-ce que vous pouvez justement nous dire comment a été faite cette formation, reformation de la fleur, qui est presque un personnage essentiel du film. Oui, c'est vrai, c'est le mot de passe du film, en quelque sorte. Mais il a pris un hibiscus et il a commencé à retirer le pistil, à en déchirer les pétales, à un, et en fait à détruire la fleur. Et comme nous tournions à l'envers, bien entendu, nous avions l'impression qu'il reconstituait cette fleur détruite et qu'il terminait par le geste de mettre le pistil comme on enfonce une flèche dans un cœur. Et en fait, tout ça était un mouvement à l'envers, mais étudié. Chez la déesse. Quelle déesse? Les uns la nomment Pallas Athénée, les autres Minerve. C'est une sauterelle qui ne plaisante pas. Et si je refuse? Ce sont les ordres. Et la fleur? Portez-la lui. Les déesses sont des femmes, et les femmes ne détestent pas qu'on leur offre des fleurs. Je n'irai pas. Vous m'avez laissé seul dans la zone où les vivants ne sont pas vivants, où les morts ne sont pas morts. Où est le cessez-le-mouvre? Une imnée sans pouvoir. C'est un repas des îles, votre nom, ça sert à le frère Viramis. Et donc, nous venez-vous. Obéissez. J'obéis. La mort du poète. Minerve a refusé la fleur d'hibiscus ressuscitée que lui offrait le poète. Lazare non plus ne sentait pas très bon. Il y a même un tableau où Marthe et Marie se bouchent le nez avec des étoffes. Je m'excuse. Je m'excuse. À peine s'est-il éloigné que Minerve brandit sa lance et la jette. Quelle horreur. Plan de face. La lance a traversé le corps du poète et lui sort par la poitrine. L'idée géniale de cette scène, c'est l'apport du son. Le décollage d'un jet accompagnera le jet du javelot, et ainsi le poète décollera de la vie dans le fracas inhumain que tout le monde connaît. À la fin du testament d'Orphée, il est nécessaire que coule encore le sang du poète. C'est le rêve qui continue. Mon cauchemar qui continue, mais je vais me réveiller, mais qu'on me réveille. Écoutez-moi. M'écouterez-vous? M'écouterez-vous, Orphée? Tout est inutile. Il vous reste une chance. Laquelle? Orphée, vous connaissez la mort? Ah, j'en parlais. J'en rêvais. Je la chantais. Je croyais la connaître. Je ne la connaissais pas. Vous la connaissez? En personne? En personne. Vous êtes allé chez elle. Chez elle? Dans sa chambre. Dans sa propre chambre. La princesse. Juliette. Dieu. Le miroir. Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler. Comme les abeilles dans une ruche de verre. Et comment savez-vous toutes ces choses redoutables? Ne soyez pas naïf. On n'est pas le chauffeur que je suis sans apprendre certaines choses redoutables. Artébise, il n'y a plus rien à faire. Si. La rejoindre. D'abord, vous verrez le personnage du poète entrer dans une glace. Ensuite, il nage dans un monde que nous ne connaissons ni les uns ni les autres, mais que j'imagine. Cette glace le mène dans un couloir et sa démarche est celle des rêves. Longue à être morte. C'est la zone. Elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes. Et tous les miroirs du monde peuvent conduire à cette zone? Je le suppose. Mais je ne voudrais pas me donner des gants. Ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous. Marchez! Marchez! J'ai peine à vous suivre. On dirait que vous marchez immobile. Moi, c'est autre chose. Ces gens qui rôdent, est-ce qu'ils vivent? Ils le croient. Rien n'est plus tenace que la déformation professionnelle. Nous allons loin. Les mots que vous employez n'ont pas de sens chez nous. Il ne fait pas de vent. Pourquoi avez-vous l'air d'avancer contre le vent? Pourquoi? Toujours pourquoi? Ne me posez plus de questions. Marchez. Faudra-t-il que je vous prenne par la main? Tu es toute puissante. À vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Des jeunes, des vieilles qui reçoivent des ordres. Et si tu désobéissais à ces ordres, ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui tues. Ce qu'ils peuvent est pire. D'où viennent ces ordres? Tant de sentinelles se les transmettent que c'est le tam-tam de vos tribus d'Afrique. L'écho de vos montagnes, le vent des feuilles de vos forêts. J'irai jusqu'à celui qui donne ses ordres. Mon pauvre amour, il n'habite nulle part. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils dorment et que nous sommes son rêve. son mauvais rêve. Je t'arracherai d'ici, puisqu'on nous laisse libre. Libre? Je ne veux plus te quitter. Je vais te quitter. Mais je te jure que je trouverai le moyen de nous réunir. Dis pour toujours. Pour toujours. Jure-le. Je le jure. Orphée est une méditation sur la mort. Vous me direz que ce n'est pas là un sujet de film, un sujet de cinéma. Mais justement, je trouve que le cinéma est un art, le cinéma comme on l'appelle, moi je dis toujours le cinématographe, est un art et qu'on doit l'employer comme un moyen d'expression pur, au même titre que l'encre et que le papier. Du reste, je voudrais bien qu'on me définisse une fois pour toutes ce que c'est que le cinéma et pas le cinéma. Faites semblant de pleurer, mes amis, puisque les poètes ne font que semblant d'être morts. Avec le film, on tue la mort, on tue la littérature, on fait vivre la poésie d'une vie directe. Imaginez ce que pourrait être le cinéma des poètes. Mais hélas, je le répète, le cinématographe est une entreprise avec laquelle on ne risque pas. Dans Le sang d'un poète, j'essaye de tourner la poésie comme les frères Williamson tournaient le fond de la mer. Il s'agissait de descendre en moi-même la cloche qu'ils descendent dans la mer, à de grandes profondeurs. Il s'agissait de surprendre l'état poétique. Beaucoup de gens s'imaginent que l'état poétique n'existe pas, que c'est une sorte d'excitation volontaire. Or, même les personnes qui se croient le plus loin de l'état poétique le connaissent, qu'elles se souviennent d'un grand deuil, d'une grande fatigue. Elles se courbent devant le feu, elles somnolent, mais elles ne dorment pas. Aussitôt commencent en elles des associations qui ne sont pas des associations d'idées, ni d'images, ni de souvenirs. Ce sont plutôt des monstres qui s'accouplent, des secrets qui passent dans la lumière, tout un monde équivoque, énigmatique, très capable de donner une idée du cauchemar dans lequel vivent les poètes, qui fait leur vie très émouvante et que le public a tort de prendre souvent pour une griserie exceptionnelle. Monsieur. Je vous écoute. Avez-vous écrit « Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité, et ces corps les uns dans les autres sont le corps de l'éternité. » Je reconnais l'avoir écrit. Et de qui tenez-vous ces choses? Quelles choses? Les choses que vous dites dans cette langue ni vivante ni morte. De personne? Vous mentez! Je vous l'accorde si vous admettez comme moi que nous sommes les serviteurs d'une force inconnue qui nous habite, nous manœuvre et nous dicte cette langue. Il n'est pas impossible qu'il soit idiot. Les intellectuels sont moins à craindre. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois. Je répète. coïncidence, va plus vite à reculons. Trois fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Deux fois. Je répète, un seul verre d'eau éclaire le monde. Écoute, les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Trois fois. 38, 39, 40, deux fois. Je répète, 38, 39, 40, deux fois. Attention, écoute. L'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Je répète, l'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Attention, écoute. Dans le domaine de la création, Jean Cocteau, c'est un domaine, voilà, je crois que nous sommes là au cœur de notre entretien, de notre enquête, n'est-ce pas ? La création reste une chose mystérieuse et je crois qu'elle diffère avec chacun des créateurs. Comment la création se présente-t-elle à vous, la création poétique ? Eh bien, voilà, nous sommes les 13 humbles domestiques d'une force qui nous habite. Et quand nous voulons nous mêler nous-mêmes de ces de poésie ou d'écriture, nous ne pouvons être que des mascarilles et nous sommes punis par des coups de bâton. Nous sommes menés par une force qui n'est pas externe à nous, qui est interne. Nous sommes menés par cette nuit dont vous parlez à juste titre et qui est une nuit qui est notre véritable moi. Nous avons un véritable moi qui est infaillible par rapport à nous, s'entend, et un autre moi qui embrouille ce moi et qui est encore embrouillé par l'extérieur. Je crois que nous sommes là comme des radiesthésistes, que notre porte-plume n'est que le pendule et que nous essayons de faire couler notre encre à travers notre main en nous mêlant le moins possible de cet exercice. Mais on nous demande davantage, on nous demande de donner une forme à ces ectoplasmes. Et toute la complication est là, ce sont des noces très étranges entre entre le conscient et l'inconscient, entre la nuit et le jour. Le rôle du poète, c'est de mettre sa nuit en plein jour. Il est son propre archéologue, il pratique des fouilles en lui-même et il faut qu'il prenne très garde à ne pas donner des coups de pelle sur des objets précieux. On nous dicte. Oiseau chante avec ses doigts. Une fois, je répète, l'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Il n'y a pas la radio que dans les voitures. Je ne trouve ce poste nulle part ailleurs. Alors si je veux profiter de toi, il faudra vivre dans une voiture. Rien ne t'y oblige. Fais attention. Écoute, mon amour. Chut. 38, 39, 40, deux fois, je répète. 38, 39, 40, deux fois. Attention, écoute. Je n'ai presque entendu que des phrases insignifiantes. J'en fus une hier sensationnelle. 39. Reposez-vous un peu. 40. Merci pour que les phrases recommencent déjà avec ton hebdo. Orphée, tu ne peux pas passer ta vie dans une voiture qui parle. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. Ma vie commençait à se faisander, à être au point. Appuyer la réussite et la mort. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes? Je donnerais mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu. Orphée, notre enfant ne vivra pas de ces petites phrases. Voilà les femmes, Heurtebise. On découvre un monde, elles vous parlent layette et impôt. J'admire Orphée. Moi, j'aurais entendu mille fois ces petites phrases sans y prêter la moindre attention. D'où peuvent-elles venir, Heurtebise ? Aucun autre poste ne les aimait. J'ai la certitude qu'elles ne s'adressent qu'à moi. Orphée, il n'y a plus que cette voiture qui compte. Je mourrai sans que tu t'en aperçoives. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Méfiez-vous des sirènes. C'est moi qui les charme. Votre voix est la plus belle. Attention. Contentez-vous de votre écoute. Voix. Attention, écoute, 2294. En vérité, voilà qui est très poétique. 7. C'est-on ce qui est poétique ou pas poétique? Du reste, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Je demande qu'on me laisse en paix, un point, c'est tout. Emmenez-la, elle me rendra fou. C'est cette voiture qui te rendra fou. Oh, emmenez-la vite, Fabie, je fais un malheur. 94. Orphée. Son filon cinématographique, sa veine, son sang, son Eurydice en un mot, il était absolument fatal que le poète les retrouvât en tournant Orphée, une fois remonté de l'enfer des Poligny, Billon, Delannoy, fonctionnaire plus ou moins clément avec l'artiste, cet ennemi mortel. Orphée, film magique, où chaque image, comme l'alouette au miroir, ne renvoie qu'à elle-même, c'est-à-dire à nous. Orphée, film documentaire, où il est prouvé et enregistré une fois pour toutes que la poésie est un métier d'homme, et par conséquent un travail mortellement dangereux. Là où les savants utilisent le cyclotron, Jean Cocteau, plus modestement, se contente d'une Debris 300. Mais pour comprendre ses recherches sur la matière de la magie, ou le contraire, il ne faut pas oublier que l'auteur du Rappel à l'ordre est entré dans les studios en fraude, ainsi qu'il le dit off dans un court-métrage, à l'instant où le rouge s'allumait. Il lui a été alors donné, et à lui seul, de surprendre la science au 24e de seconde précis où Vénus sortant du bain photographique, elle se métamorphosait en fiction. Grâce à lui, nous avons ainsi pu voir Orphée écouter la radio de Londres, vider un demi à la terrasse du Flore et poursuivre au métro Monge la femme de sa vie, ou plutôt de sa mort, nous le savons maintenant, depuis que son testament, comme m'abuse, nous a permis de déchiffrer ce film étonnant dans lequel Nicolas Ayer éclairait les visages avec des arcs. Poésie de contrebande, donc, oui, et partant combien plus précieuse, car il est vrai, nous dit l'allemand Novalis, que si le monde devient rêve, le rêve à son tour devient monde. Et c'est l'humilité et la gloire de Cocteau de n'avoir jamais ni su ni voulu séparer la légende d'Orphée de la sienne propre, autrement dit, le cinéma vérité du cinéma mensonge. Si aujourd'hui cette démarche fait ricaner les imbéciles, c'est qu'il n'est pas donné à tout le monde de suivre un tel chantre à la trace. Pour ma part, je me souviendrai toujours d'un soir de printemps à Cannes, où parmi les badauds, je vis Jean Cocteau conduire au palais du festival un jeune voyou qui n'en était qu'au premier de ses 400 coups. Il le guidait à travers des lumières et lui soufflait tout, ne marche pas trop vite, ne baisse pas les yeux, regarde les photographes, tiens-toi droit, fais un sourire à France Roche. Bref, devant mes yeux agrandis d'amateur, c'était le vieil ange Heurtebise, toujours au plus fort de la mêlée, qui protégeait le jeune fantôme de Vigo sous sa grande aile noire d'académicien. Bref encore, dans tous ses films et dans Orphée en particulier, Jean Cocteau nous prouve inlassablement que pour savoir faire du cinéma, il nous faut retrouver Méliès et que, pour ça, pas mal d'années-lumière sont encore nécessaires. Jean-Luc Godard. Les Cahiers du cinéma, 1961. Que pourriez-vous me dire s'il vous fallait défendre cet homme ? Qu'il est un poète. C'est-à-dire qu'il est indispensable, bien que je ne sache pas à quoi. Puis-je, madame, vous interroger à mon tour? Nous verrons si j'ai congé de vous répondre. Simple curiosité d'un homme de science. Voilà, quelle heure est-il? Aucune, professeur. Aucune. Continuez à dormir. Vous êtes libre. Merci. J'éprouve comme une difficulté d'être, une manière de fatigue. Il me semble... Dormez. Dormez, professeur. Je le veux. Merci. Madame, je vous présente mes hommages. Je dors. Bonne nuit. Et sur le moment, il était reconnu comme... Non, il était très discuté sur le moment, comme la plupart du temps. Claude Pinoteau. Les gens de son espèce qui sont rares. Et, ils sont très contestés. Oui, parce que, en effet, les journalistes essayaient de s'attacher à une logique, à une exégèse raisonnable. Ils cherchaient le symbolisme, ils cherchaient des raisons cachées. Et en fait, ce qu'ils auraient voulu, c'est que Cocteau leur donne les clés de son univers. Mais je crois que lui, il pouvait seul y pénétrer, mais il n'en avait pas les clés. Il passait à travers les glaces, comme ces personnages. Alors, il a irrité beaucoup de gens, il était très contesté. Je crois que ces films restent très jeunes. Quand on les voit maintenant, ils sont un peu intemporels. On pourrait les projeter en l'an 2000. Ils auront cette espèce de classicisme dans l'illogisme, si je puis dire. Mais je crois que c'est la trace qu'il laissera, une profonde originalité dans une poésie étrange, qui est peut-être la poésie, en effet, de cet univers d'entre la vie et la mort, étrange. Car la mort le hantait quand même, il en parlait souvent, mais un petit peu comme s'il voulait en faire sa complice, plutôt que comme quelqu'un de redoutable. On connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Ses chants le distraillaient de sa femme, Eurydice. La mort la lui enleva. Il descendit aux enfers, les charma et obtint de revenir avec elle sous condition de ne jamais la regarder. Mais il la regarda et fut déchiré par les bacchantes. Où se passe notre histoire et à quelle époque? C'est le privilège des légendes d'être sans âge, comme il vous plaira. Jean Cocteau. Jean Cocteau, le rêve partagé, par Laurence Drumont avec Claude Pinoteau. Extrait des films Orphée et le Testament d'Orphée. Texte lu par Jean-Baptiste Malartre, Fabienne Pahut. Prise de son, mixage, Zindine Sadawi, Yann Parentoen, Claude Giovannetti. Document INA, Yves Bouilly.